Marius, nous l'avons vu, avait assisté au dénouement inattendu du guet-apens sur la trace duquel il avait mis Javert. Il est allé se réfugier chez son ami étudiant, Courfeyrac. Le lendemain, dès 7 heures du matin, Marius revint à la masure, paya le terme et ce qu'il devait à Mame Bougon, fit charger sur une charrette à bras ses livres, son lit, sa table, sa commode et ses deux chaises, et s'en alla, sans laisser son adresse. Si bien que, lorsque Javert revint à la matinée, afin de questionner Marius sur les événements de la veille, il ne trouva que Madame Bougon qui lui répondit « Déménagez !» Un mois s'écoula, puis un autre. Marius était toujours chez Courfeyrac. Tout le lundi, il faisait remettre au greffe de la force 5 francs pour Thénardier. D'où cela pouvait-il venir ? Se demandait Thénardier. Marius, du reste, était navré. Tout était de nouveau rentré dans une trappe. Il avait un moment revu de très près, dans cette obscurité, la jeune fille qu'il aimait, le vieillard qui semblait son père. Mais pas une étincelle de certitude de vérité. Que pensait du vieillard ? Cet homme avait des côtés héroïques et des côtés équivoques. Tout ceci, il est vrai, n'ôtait rien au charme angélique de la jeune fille du Luxembourg. Toute sa vie se résumait maintenant en 2 mots, une incertitude absolue dans une brume impénétrable. La revoir, elle, il y aspirait toujours. Il ne l'aspirait plus. Une seule idée douce lui restait, c'est qu'elle l'avait aimé, que son regard lui avait dit qu'elle ne connaissait pas son nom, mais qu'elle connaissait son âme, et que peut-être, là où elle était, quel que fût ce lieu mystérieux, elle l'aimait encore. Le triomphe de Javert, dans la masure Gorbeau, avait semblé complet, mais ne l'avait pas été. D'abord, et c'était là son principal souci, Javert n'avait point fait prisonnier, le prisonnier des bandits. Ensuite, Montparnasse, un des compars de Thénardier, avait échappé à Javert. Éponine et Azelma, les filles de Thénardier, furent relâchées. Marius n'allait plus chez personne. Seulement, il lui arrivait quelquefois de rencontrer le père Mabeuf, celui qui lui a permis de découvrir son père, le baron Pontmercy. M. Mabeuf avait à cette époque fort près de 80 ans. Un soir, il eut une singulière apparition. « Père Mabeuf, voulez-vous que je vous arrose votre jardin ?» Il vit sortir de la broussaille une espèce de grande fille maigre. Elle arrosa tout le jardin. « Quel dommage que je ne puisse rien faire pour vous. Pouvez quelque chose, dit-elle. Quoi ? Me dire où demeure M. Marius ? Quel M. Marius ? Un jeune homme qui venait ici dans l'étang. Ah oui, le baron Marius Pontmercy, parbleu !» Tout en parlant, il s'était courbé pour assujettir une branche du rhododendron. Il continuait. « Il passe très souvent. Le champ de la douette. » Quand M. Mabeuf se releva, il n'y avait plus personne. La fille avait disparu. Quelques jours après, Marius était allé se promener un peu au champ de la douette. Il songeait à elle. Tout à coup, au milieu de son extase accablée, il entendit une voix connue qui disait « Tiens, le voilà !» Il leva les yeux et reconnut cette malheureuse enfant qui était venue un matin chez lui, l'aînée des filles Thénardier, Éponine. « Je vous rencontre donc, » dit-elle enfin. « Le père Mabeuf avait raison. »« Vous n'avez pas l'air content de me voir ? Vous avez l'air triste ? Je veux que vous soyez content. Vous m'avez promis que vous me donneriez tout ce que je voudrais. » Elle regarda Marius dans le blanc des yeux et lui dit « J'ai l'adresse. L'adresse que vous m'avez demandée. L'adresse, vous savez bien. » « Oui, » bégaya Marius, « de la demoiselle. Venez avec moi. » « Oh, comme vous êtes content !» Un nuage passa sur le front de Marius. « Jure-moi une chose. Jure-moi que tu ne diras pas cette adresse à ton père. » « Soyez donc tranquille, il est au secret. D'ailleurs, est-ce que je m'occupe de mon père ? À présent, conduis-moi. » Après quelques pas, elle s'arrêta. « Vous me suivez de trop près, monsieur Marius. Laissez-moi aller devant. Et suivez-moi, comme cela, sans faire semblant. Il ne faut pas qu'on voie un jeune homme bien, comme vous, avec une femme, comme moi. À propos, vous savez que vous m'avez promis quelque chose ?» Marius fouilla dans sa poche. Il ne possédait au monde que les 5 francs destinés au père Thénardier. Il les prit et les mit dans la main d'Éponine. Elle ouvrit les doigts et laissa tomber la pièce à terre et, le regardant d'un air sombre, « Je ne veux pas de votre argent, » dit-elle.